On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Bien 13h32 minutes. Voilà donc, et bien, bienvenue à l'écoute de l'Arc-en-Ciel. Voici donc le retour pour l'émission Busy Dance avec bien sûr le retour. Voilà donc cet après-midi, elle écoutera des chansons de mélange avec les années 80. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne matinée. Tout aussi, j'espère que vous avez continué de passer une bonne après-midi. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec les chansons des années 80 jusqu'à 17h, que vous vous rappelez des bons vieux souvenirs. Voici Bimbo, jeune du côté du soleil. Mais on en cherche. Bailemos el bimbo. Avec Black Box, Rhyme on Time, et puis suivi de Blondie.

passé un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker. The meanest cat from old Chicago town. Le groupe Bonnie and My Baker est juste après Boris, soirée disco. She was the meanest cat in our Chicago town. She was the meanest cat. She really mowed them down. She hit the heart at all. No, no, no heart at all. She was the meanest cat. But she was really tough. She left the house but flat. She wasn't tough. Boris est chez lui. Il a éteint toute la lumière. Il a son petit pantalon à patte-tête rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soir disco. il y a des branches de téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soir à disco. Go, go, go, show Boris. Chez Boris, ce soir, c'est soir à disco. Ce soir, entrée, 15 balles, gratuit pour les filles. Chez Boris ce soir, poule à facettes, pantalon pas de def, spotline, c'est soir à disco. Connu ou inconnu, moi de toutes les forces. spécial, un amour de la femme. Voici donc que s'appelle Chocolat Brasilia Carnaval, et puis juste après Claude François Maillard Forever. donc juste après Corona, voici début de soirée tout simplement et suivi de voyage avec deux MS. Arc-en-ciel. Son titre Love to Love You Baby. I love to love you, baby.

Donc le titre s'appelle tout simplement Toi, mon toit avec l'hydrose et puis suivi juste après Eurythmics Sweet Dance. Toi, toi, mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Thank you. De l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Donc voici donc pour les émissions pour aujourd'hui ainsi pour demain. Donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe pour l'émission électrique choc, donc demain, non, d'après moi, à partir de 19h, voilà, jusqu'à 21h ce soir. Et puis donc, demain, nous serons mercredi, voici donc d'autres émissions différentes. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. tranquille entre 7h jusqu'à 9h et puis juste après entre 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Victor avec Podium Novesta. Dans l'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous écoutez les traditionnels sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Après, vous écouterez tout simplement entre 18h30, l'émission là, et juste après, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, avec Christina. Voilà donc on continue les chansons et on va faire un petit tour du côté du Portugal avec trois chansons différentes et puis on se retrouve juste après. Avec, on écoutera juste après Gilbert Montagnier. Arc-en-ciel. Sentir uma Temos o melhor lugar, onde qualquer parte do mundo. Arc-en-Ciel. Voici donc Gilbert Montagnier avec les sunlights des tropiques et puis juste après, plus près des étoiles gold. Ça fait quelque chose que magique. Y'a rien à faire, On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Voici donc, voici In the Way avec What is Love. Don't hurt me. Everybody needs some. Et puis juste après Jean-Pierre Madère. First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world we'll be right back. Julie Petri, lève-toi. Ô femme unique, péché désir, pour un serpent de Bible a brisé son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre, les mots du premier jour, saveur amère, d'homme interdit. Les plaisirs que Dieu punit au cœur mortel, elle nous pâle, délaissée par le ciel et le mal. Lève-toi et danse avec la vie, l'écoute ta voix et venue jusqu'à moi. Lève-toi des enfants grandis, en devant la vie, je serai. A perdu le sourire, elle en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ses trésors, le corps en aventure, elle s'endort. Elle lève toi et danse avec la vie, l'écoute ta voix est venue. avec la Lambada, et puis donc suivi de Kate Butch, ainsi suivi donc après de Kimai, tout simplement. Le titre de Kimai avec Cambodia. précédent que après ce sera un Lio avec Tout simplement. He was tired and faced. She was an airport wife. He

donc Michael Jackson avec tout simplement Billie Jean, et voici Niagara qui nous amène du côté de la plage, l'amour, donc l'amour à la plage. Arc-en-Ciel. cherche, je trouverai cette fille qui me tente tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me tente tant, qui me tente tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Only to burn me with the sun. taking my heart. She doesn't know what she's done. Feel her breath in my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Yeah. counts the walls. Knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Harry says he changes his mind more than a woman. But she made a bet. Even when the chance was slim. Et puis trois fois Boy Sabrina. Thank you. summertime love, summertime love on the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love. You remember me. Boys, boys, boys, get ready. Arc-en-Ciel. Voici donc le groupe Téléphone. Aussi, c'est sur cette chanson qu'on va se dire bonsoir. Voilà, l'émission bien sûr touche bientôt à la fin. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne émission. On va se retrouver à la fin de semaine, donc vendredi, à partir de 13h30. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme-Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.